Savomo, Savoya kokamwa, Savomo, Savoya bilamba. sala t'inquiète t'es Bogomelina libala papa na qui se fait na yo. Chérie, la lélio, chérie, la lélio, chérie, la lélio. Elia Chéri Simbanga Aka Simbanga Aka Simbanga Aka Simbanga Chéri Simbanga Aka Simbanga Aka Simbanga Aka Simbanga Awae Awae Manu